Géraldine, dans votre carnet de philo de base, vous attaquez à un sujet pas du tout rebattu, la rentrée. Quand on reprend le travail, il se produit, je crois, deux choses. D'abord, on se donne des nouvelles, on se raconte nos vacances, on s'échange les dernières informations. Emploi du temps, cantine, nouvelles recrues, anciens collègues. Même quand on ne veut pas rentrer, il reste malgré tout une part incompressible de joie à retrouver des habitudes comme on retrouve un vieux pull après des semaines en Marcel. Ah, je croyais que vous vouliez réagir sur le mot Marcel, Guillaume. Non, pas du tout. Je me fais disputer parce qu'il y avait une virgule de base avant vous. Bon, je continue quand même. Donc ça, Guillaume, je reprends. C'est la première chose qui se produit quand on reprend le travail. Autrement dit, un phénomène qu'on peut dire en prise avec des choses passées. La deuxième chose concerne plutôt le futur. Quand on reprend le travail, passer ces moments de récits estivaux et de retrouvailles, se présente à nous la masse de choses à accomplir. Réunions, dossiers, mails. On se dit qu'on est parti pour des mois à tenir le même rythme. Un ancien de cette matinale, Hervé Gardette, pour ne pas le nommer. Et que nous embrassons. Que nous embrassons très fort, comptez pour sa part le nombre de chroniques restantes avant la fin de la grille. De quoi avoir le vertige, mais de quoi bien poser cette question, comment bien évaluer tous ces événements et non-événements surtout que l'on va vivre mais que l'on n'a pas encore vécu. Alors une solution pour vous Géraldine, ne pas vous projeter mais vivre au jour le jour, carpe diem, c'est tout vous ça. Oui c'est tout vous, mais non, mais ça n'existe pas Guillaume, ou ça existe de fait, car de fait on vit déjà au jour le jour, mais toujours à faire les mêmes choses que la veille. Passons sur cette routine qui imprègne nos existences, le fait est qu'on a beaucoup réfléchi, enfin surtout les philosophes, sur le temps en partant du temps qui s'était déjà écoulé. Regrets, souvenirs, éternel retour, vieillesse, mémoire. Alors oui, il y a les concepts de projet, de futur ou d'avenir, mais que dire d'eux à part qu'ils sont de pur néant, imprévisibles, qui suivent le passé et le présent. D'une certaine manière, on ne peut pas parler du temps autrement qu'en ayant recours au passé. Il n'y a rien de paradoxal là-dedans, il y a même de la sagesse à penser à ce qui s'est réellement passé, plutôt qu'à imaginer le meilleur ou le pire à venir. Même Henri Bergson, dans son essai sur les données immédiates de la conscience, disait « L'idée de l'avenir grosse d'une infinité de possibles est plus féconde que l'avenir lui-même et c'est pourquoi l'on trouve plus de charme à l'espérance qu'à la possession, au rêve qu'à la réalité. » Mais vous avez entendu, c'est là où il y a quand même un paradoxe. Qu'on soit déprimé ou que l'on se réjouisse à l'idée de l'avenir, qu'on sache que, de toute façon, il y aura une erreur de jugement, qu'on va forcément se tromper ou être surpris, on ne peut pourtant pas s'empêcher de se projeter. Mais encore heureux, on ne peut pas vivre au jour le jour. Alors vous voyez, carpe diem, ça n'existe pas Guillaume. Mais le problème est là, dans le fait de se projeter tout en sachant qu'on se projettera forcément mal. Ou pire, tout en sachant qu'on se projettera trop bien, qu'on sait déjà parfaitement ce qui va se produire, la routine encore. Et même dans ce cas-là, où on pense déjà savoir ce que l'avenir nous réserve, même là, la réalisation de ce qui n'était encore qu'imaginé est parfois pire à vivre. Imaginer vivre ce qui était déjà prévu, parfaitement, dans les moindres détails. D'où cet autre problème. Plus grave que celui de mal penser le futur, le fait que la réalisation de ce qui n'était qu'un futur possible soit toujours décevant. L'avenir, le futur et tous nos projets sont-ils nécessairement ternes une fois devenus réalité? Faut-il s'empêcher d'y penser alors même qu'on est quand même bien obligé de s'organiser, de prendre ses précautions et qu'on ne peut pas envisager nos lendemains comme de grosses masses informes temporelles? Alors bien sûr, il reste l'agréable surprise. Alors oui, mais ne comptez que sur elle, hélas, la rend terriblement attendue. Merci beaucoup. Géraldine Mosna-Savoie.